C'était l'ouverture officielle hier du tournoi Bantam. On en parle avec notre ami Pierre-Luc Ménard. Il est samedi matin, 8h30, au moment où on enregistre le reportage. Salut Pierre-Luc! Pierre-Luc, hier, il y avait des matchs au programme encore une fois. Oui, donc hier, on a eu 11 matchs hier soir. Donc hier dans la journée, dans les deux arénas de Beau-Nissassini. Donc ça allait très bien rouler. OK, donc est-ce que tu as des résultats, surtout pour les équipes locaux? Nos équipes locales, ça va très bien. Okay. En fait, on a eu une belle victoire hier des rapides de Debout-Sassini dans le temps de 2C au compte de 3 à 0 okay. contre Barge de Sept-Îles. Donc, une équipe qui était inconnue un peu là, pour eux, qui n'avait jamais joué contre. Donc c'était pas oublié pour le reste du tournoi pour les rapides. On a encore des chances de se qualifier pour les demi-finales okay. avec cette victoire-là. Puis ça va très bien pour nos éperviers de Normandin dans le temps B. Qui ont défait 5 à 1 les McDonald's Jones de chez OK, Québec. Donc ça, c'est des matchs importants. Si on y allait maintenant avec les équipes de l'extérieur, ils sont pas mal toutes arrivées. Ils sont tous arrivés samedi matin, fait que. Voilà. Oui, ils sont tous arrivés. Donc, c'est intéressant. C'est toujours intéressant de voir les équipes extérieures un peu comment elles se débrouillent tout ça par rapport à notre qualité ouais. Régionale. Donc, encore une fois, cette année. Ça va quand même assez bien. Je dirais possiblement des équipes régionales, peut-être, qui devraient aller en finale okay. cette année-là. OK. Pierre-Luc, donc les. À part peut-être la TUC, là, qui sont, en tout cas, la TUC sont assez forts. Peut-être des chances qui aient à faire. OK. Pierre-Luc, donc, si on y allait maintenant avec les rapides, à quelle heure qu'ils vont retourner sur la glace? Donc, en fait, 13h40 cet après-midi. À l'Arena de Mistassini contre les Orioles de Moncton, un match très important, okay. considérant qu'on a eu nul hier, Saint-Bruno contre Orioles de Moncton, un très bon match à 20h30. Okay. Donc, considérant que c'est un rond de robin, un rond préliminaire de 4 matchs, là, ça s'enligne pour être très serré, là, c'est d'arriver. OK. OK. Donc, on va y aller maintenant pour peut-être rappeler les prix d'entrée aussi. Oui, en fait, là, donc, on est samedi, ouais. c'est plus des passes journalières, donc 6$ pour les adultes et 2$ pour les adolescents, 13, 17 ans, c'est 12 ans et moins. C'est OK. Et on rappelle aussi pour les gens, le site Internet est également, le site Internet et ensuite le Facebook, donc pour avoir tout en direct, là, les photos, avoir également les résultats, donc allons-y avec les deux adresses. Oui, donc... de site internet tournoihockeybantam.com et pour ce qui est de la page Facebook tournoihockeybantam de Debout-Sassini. Donc effectivement, comme tu dis, Dan, on va essayer de mettre ça le plus à jour possible. Les gens ont l'air apprécié, on a eu quelques gemmes, tout ça. Okay. Dis-moi, est-ce que la science est bonne jusqu'à maintenant en terminant? Je dirais qu'au niveau des entrées, l'assistance, ça va bien. On est à l'intérieur de nos marges, de nos objectifs. Donc, on est très satisfait. On est satisfait aussi de la participation de nos commentateurs. Ouais. Ils se sont présentés. C'était apprécié. Un bon match d'ouverture. Donc, on est très contents. Ce okay. Ben, on se reparle peut-être en fin d'après-midi sur demain. Oui, ça marche. Ouais, Pierre-Luc Ménard, le président du tournoi Bantam.